La machine a fini par être lancée. Le plus dur dans cette vie, mais de rester sensé. Quel jour fais-je me réveiller pour celui de paix ou lors du Judgment Day? Seul deux chemins s'offrent à moi. D'un côté le rêve, de l'autre l'éveil. D'un côté mon être, de l'autre point heavy. Aucun ne me mène au paradis. Si je m'éveille, j'espère que viendra l'unité 13. Ils savent de quoi sont capables les gens sensibles. Il était déjà trop tard avant que je ne perde le fil. Mais attendons encore, ce n'est pas la fin du film. Le réveil ne suit pas toujours le sommeil, mais l'éveil me permettra d'atteindre les sommets. Alors je verrai où me diriger et qui sont tous ces gens que je n'ai que trop blessés. Des messages haineux aux erreurs que j'ai perpétuées. J'ai fait des fautes et j'ai commis d'innombrables péchés. Attendre l'éveil me permettrait de tout réparer. Mais dites-moi, existe-t-il quelqu'un pour m'élever? Je serai sauvé lorsque j'aurai mon Gundam Wing. Je n'ai jamais aspiré qu'à vivre une vie tranquille. Il était déjà trop tard avant que je ne quitte ma ville. Mais attendons encore, ce n'est pas la fin de ma vie. Sans cette fenêtre.